baisse les bras. Alors plus d'importance. Après quelques combats perdus d'avance, je commettrai l'erreur de te semer le doute. J'apprendrai l'imprudence. Je t'aimerai. Prendre feu, je nierai l'évidence.